C'est bon, ça y est, ça enregistre. Alors, bonjour à tous et à toutes. Maintenant, on va partir sur, pas un atelier, mais sur des interventions où Sylvain va nous parler de Barcelone. Donc, je te laisse faire. Merci, Boris, pour cette introduction. J'ai apprécié le reste. Donc, en fait, du coup, moi, je vais vous parler d'un projet de voyage qui est parti d'Écologie Debout. C'était un projet pour partir à Barcelone pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas. Au départ, le projet avait été baptisé Fillon vers le Sud, puisqu'on avait un ancien Premier ministre qui était en tête de toutes les médiatiques pour être président. Donc on avait fait un jeu de mots un peu pourri là-dessus, et c'est devenu En Marche vers le Sud, un peu, je pense que vous savez pourquoi. Donc du coup, pour introduire mon propos, en fait, je vais vous dire deux dates qui sont, je pense, très très importantes pour appuyer mon propos. C'est la date de 2008, donc en 2008, c'est là où il y a eu la crise en Espagne, et entre guillemets la crise immobilière, et la date de 2011, 15 mai, où il y a eu donc les mouvements des places en Espagne, qui a été appelé 15e là-bas. Ici, on a parlé plus du mouvement des indignés. Donc du coup, quand on est parti à Barcelone, en fait, on a rencontré certains avaient été créés juste avant le 15e, d'autres après. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu voir. Le premier collectif, donc c'est le collectif, le réseau pour l'éthique, donc XSE. En fait, en Espagne, on est dans une situation où on a l'une des électricités les plus chères d'Europe. Je crois dans les années 2000-2010, le marché a été libéralisé, libéré. Mais du coup, le distributeur est resté exactement le même, et on est dans une situation de monopole. Et il pratique des tarifs, en fait, qui sont très très élevés, et donc ce qui permet pas à certaines familles de pouvoir payer la facture à la fin du. Donc en fait, ce collectif qui s'est créé sur cette problématique-là, ils se réunissent tous les mercredis. Ils ont une assemblée générale. Et lors de cette assemblée, en fait, il y a des gens, des familles qui viennent avec ces problèmes. L'électricité est déjà coupée, soit ils sont en train de... Enfin, en tout cas, ça doit être fait. Et donc, ils viennent, ils montent un dossier. Ils ont une personne qui leur est affiliée. Et en fait, ce que fait ce collectif, c'est quand ils ont suffisamment de personnes, 400, 500 personnes, dans un lieu qui a un rapport avec ce fameux distributeur historique, et en fait, ils squattent, ils disent on bouge pas, et on bougera que lorsque vous aurez remis l'électricité à telle famille. Et en fait, ils font ça, c'est des groupes, entre guillemets, de citoyens. Ils le font pas au nom d'un collectif particulier, parce que ça leur évite notamment les poursuites juridiques. Et donc, ils arrivent comme ça, sur ces actions coup de poing, à faire en sorte qu'on remette l'électricité à des familles qui... Tout en sachant que, vous l'imaginez bien, si vous n'avez pas d'électricité, donc vous avez tous les problèmes du quotidien qu'on peut tous rencontrer. Et Barcelone est une ville à côté de la mer, donc il y a énormément d'humidité. Donc il y a aussi des risques sanitaires très très importants quand on vous coupe l'électricité. Et des risques de maladies encore plus importants, entre guillemets, que dans une ville classique. Donc grosso modo, la revendication, c'est un espèce de droit, en fait, de droit à l'électricité pour tous. Ils militent pour ça, ils militent pour le monopole que je vous expliquais précédemment. Ils ont réussi à faire passer une loi au niveau de Barcelone et de la Catalogne pour en ce sens, mais par contre ça reste bloqué au niveau du gouvernement général en Espagne, qui est plutôt un gouvernement de droite dure. Et ce que je peux dire, donc en fait, leur souhait, c'est vraiment en fait que tous les gens puissent bien évidemment avoir l'électricité, et à des prix beaucoup moins importants que c'est le cas actuellement. Et on a en parallèle, en fait, la mairie de Barcelone essaye de voir comment elle peut elle-même distribuer l'électricité. Donc ça éviterait, en fait, de passer par cette entreprise qui a le monopole. Donc ça, c'est des gens, en fait, qui sont complètement, entre guillemets, autonomes, indépendants. Ils ont un super local qu'ils partagent avec d'autres associations dans le centre-ville de Barcelone. et qui est assez chouette, voilà, par rapport à ce réseau pour la souveraineté énergétique. Ensuite, on a rencontré un des collectifs qui s'appelle l'APA. En fait, l'APA, c'est un collectif qui s'est créé en 2009, donc juste après la crise économique de 2008. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, un nombre très très important de personnes qui se faisaient expulser de leurs appartements par les banques, puisque du coup, en fait, ils ne pouvaient plus payer leur crédit immobilier. Donc, c'était la banque qui saisissait le bien pour récupérer l'argent. Et en fait, de nombreuses familles qui se faisaient expulser. J'ai quelques chiffres. Il y a eu 166 expulsions par jour en Espagne. Il y en a eu 43 en Catalogne. Il y en a eu 10 à Barcelone. Et en 7 ans, il y a eu près de 500 000 expulsions. C'est le qui a le plus bas taux de logement public. Et il y a à peu près 3,5 millions de logements vides en Espagne, dont 448 000 en Catalogne. Donc c'est des chiffres de 2011. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que de ce constat-là, personne qui se faisait expulser en fait à se faire reloger. Parfois c'était des familles, c'était des personnes âgées qui, ça faisait 20, 30, 35 ans qui étaient dans leur appartement. Et je me rappelle avoir vu un photoreportage à Perpignan, à Visa pour l'image, qui est le festival des photoreporters au monde. Et c'était assez saisissant de voir ces portraits de gens et de mamies qui se faisaient expulser et forcément qui pleuraient et qui avaient des visages, des mines déconfites parce que vous avez tout un pan de leur vie qui part et vous aviez ce qui leur possédait par terre, enfin ou dans la rue, bref voilà, c'était assez édifiant. Donc en fait l'APA s'est développée dans toute l'Espagne et pas seulement à Barcelone. Aujourd'hui, en fait, ce qu'ils proposent, ils sont tout actifs forcément. Ce qu'ils proposent, c'est des portes ouvertes qui se font le lundi, et vous avez encore en moyenne une centaine de personnes qui s'y rendent. Ouais, d'accord. C'est sympa, j'aime le fond sonore. Du coup, en fait, au départ, c'était vraiment des problèmes de. Comme je vous expliquais avec les banques, parce que vous avez un système en Espagne qui est où il y avait beaucoup de. Enfin, on devient propriétaire un petit peu de génération en génération. C'est un petit peu comme au Portugal. Du coup, actuellement, les problèmes sont moins des problèmes de gens qui sont propriétaires, mais plus des problèmes de personnes qui sont locataires. Puisque vous avez notamment, comme à Barcelone, une ville qui est très touristique, où les loyers explosent. Il y a notamment une loi qui est passée qui permet d'avoir des bails de 3 ans uniquement. Et en fait, le propriétaire, généralement la troisième année, en profite pour augmenter très fortement les loyers, faire partir en fait les familles. Et vous avez des quartiers entiers comme ça qui se font... les gens qui habitaient là historiquement en fait partent. Et actuellement, il y a un gros conflit en fait avec la plateforme Airbnb. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vraiment... pour les sous-louer à des personnes qui l'utilisent avec Airbnb. Donc ça pose des problèmes de place pour les gens qui sont expulsés. Et vous avez également des problématiques, mais plus de bruit et de respect, avec parfois des jeunes qui ont tendance à faire un petit peu près n'importe quoi dans un immeuble où il y a des gens qui vivent et qui se lèvent le matin pour travailler. Donc l'APA, voilà, l'APA, c'est le collectif où est issu la maire de Barcelone actuellement. Ils ont un peu plus de difficultés à Madrid parce que c'est là où il y a le gouvernement central et là ils sont plus dans la communication, mais en fait dans beaucoup de villes ils sont vraiment sur le terrain, ils sont souvent par quartier et en fait il y a une solidarité locale qui se crée. C'est également des autonomes, donc ils font un petit peu c'est même pas qu'ils font un petit peu, ils font soit ils aident en allant directement dans les immeubles où les gens sont menacés d'expulsion et donc ils viennent en force pour empêcher les expulsions ou pour entre guillemets donner le plus de mal possible à la police qui vient pour déloger les personnes. Et ils vont également dans les immeubles vides un petit peu comme ce que peut faire le DAL ici pour mettre des familles qui ont été délogées. Donc eux en fait voilà, c'est un petit peu comme le réseau pour la souveraineté énergétique, pardon. C'est qu'ils ont à la fois donc un mouvement qui est sur l'action dans le local et direct, et également ils ont une action qui est plus au niveau de la politique, au niveau des lois. Et ils ont fait pareil, passer à Barcelone une loi comme qu'on appellerait la loi du droit au logement, mais qui également pose problème au niveau du gouvernement central. Donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment la part. Ouais, ce serait sympa de ne pas me hurler dans les oreilles, s'il te plaît. Tu peux t'exprimer, y a pas de souci, mais... Ok, bad. République is back. Alors, donc du coup ensuite, on a vu un collectif pareil, qui en fait, qui s'appelle le Giphy. Et eux, c'est un collectif qui a été créé après le 15e, et en fait, ça a été créé à partir d'une injustice où vous aviez un village en fait qui était reclus dans la, on va dire, dans le fin fond de la Catalogne, qui n'avait pas d'accès à Internet. Et en fait, les fournisseurs classiques ne voulaient pas, ils avaient aucun intérêt à le faire financier. Donc du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont couvert ce village là, et ils ont créé un réseau en fait de connexions Internet partagées et autogérées. Actuellement, il y a entre 30 000 et 35 000 personnes qui sont connectées à ce réseau Internet. En fait, si vous voulez, c'est pas spécialement, c'est pas pour le prix qu'ils ont fait ça, parce que ça coûte à peu près la même chose que des fournisseurs classiques en Espagne, où pour le coup, c'est des prix qui sont assez équivalents à la France. Ils sont partis d'un esprit forcément militant, c'est-à-dire il faut mieux donner de l'argent à des gens comme eux que à des multinationales, et en fait ils sont partis aussi du principe que en fait ils ne veulent pas être le produit, comme on peut avec Google, Amazon et compagnie, finalement, où c'est vous qui êtes le produit. Donc en passant par ce système là bien évidemment, en fait c'est une alternative à l'internet qu'on connaît. C'est également alors il y a tout un débat sur la liste, voilà, c'est un petit peu plus, il y en a qui sont ils sont pas tout à fait d'accord, mais en tout cas un peu plus libre. Et surtout, c'est un réseau, en fait, si vous l'avez et si vous choisissez de le faire partager, vous pouvez, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que, nous en France, même en général, vous avez une clé de sécurité. Là, la clé de sécurité, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc si vous êtes dans un immeuble et que vous avez des familles qui ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à Internet, vous pouvez l'ouvrir à cette famille-là et à n'importe quelle famille. Donc on a, j'ai pas été tout seul, mais on s'est souvent branché entre guillemets sur ce wifi là quand on avait besoin de trouver des informations à Barcelone, et c'est bien agréable d'avoir un wifi gratuit qui est pas le wifi de McDo ou de la SNCF. Donc ensuite, on a été voir également, alors c'était dans un lieu assez particulier parce que c'était juste à côté de la Sagrada Familia, qui est un lieu hautement touristique à Barcelone. On a été voir ce qu'on appelle Aerosocial. Aerosocial, en fait, c'est une coopérative catalane. En fait, la coopérative catalane, elle s'est créée en 2009. Et suite, pareil, à la crise immobilière. C'est un type qui a fait à peu près 500 000 euros de crédit dans différentes banques et qui, en gros, a dit « démerdez-vous, je me barre à l'étranger ». Et ces 500 000 euros, en fait, ont permis à créer la coopérative catalane. La coopérative catalane, c'est l'idée de base, c'est de prendre les outils du système qui sont très individuels et les rendre collectifs. Donc ils ont créé une monnaie sociale. Donc c'est pas une monnaie locale, c'est un petit peu différent. La monnaie sociale, en fait, ça ne peut pas se convertir en euros, par exemple, et c'est une sorte de monnaie avec tout un réseau, en fait, dans la Catalogne. Dans des magasins, dans d'autres endroits qui appartiennent à Aerosocial, où vous pouvez avoir de la nourriture, vous pouvez avoir des meubles qui ont récupéré et retapé. Et ça, c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Ils ont créé une bourse du travail, ils proposent leur propre crédit, et ils font de l'aide juridique. Donc c'est vrai que c'est, en fait, tout ça, c'est pareil. Ce qu'on nous en a constaté, c'est que c'est un fonctionnement qui se rapproche beaucoup des idées anarchiques, mais ils se revendiquent pas du tout de ce mouvement-là. C'est des gens, voilà, qui sont très souriants, très accueillants. Ils refusent par contre toutes les subventions de la mairie. Voilà, c'est très intéressant en tout cas ce qu'ils font. Et là où on a été, ils ont un garde-manger, enfin ils ont une cuisine, enfin voilà, ils nous ont dit bah si vous voulez venir cuisiner dans la semaine, il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes. Et ils ont fait un, ils ont tenté un truc intéressant aussi, c'est qu'ils ont essayé de créer par eux-mêmes leur leur sécurité sociale, mais ça a pas marché en fait parce qu'il n'y avait pas assez de entre guillemets de gens riches pour redistribuer l'argent aux plus pauvres. Donc en fait, le système sait pas, et ils sont toujours en train de réfléchir à ça, et ils essayent de, bah, de développer en fait leur leur réseau de personnes à travers le, leur monnaie sociale pour éventuellement retenter ce système de sécurité sociale. Un grand projet qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont récupéré un centre commercial vide dans la banlieue de Barcelone, et ils en ont fait un espèce de village. Un petit peu avec plein de, d'entreprises qui se rapprocheraient un peu de l'économie sociale et solidaire, mais c'en est, c'en, puisque finalement l'économie sociale et solidaire c'est un peu la version light et la version institutionnelle en fait de tout ce qu'on a pu voir sur place. Donc voilà, ça c'était donc Aérosocial. Ensuite on a été voir un collectif qui s'appelle même pas un collectif, c'est un lieu qui s'appelle Cadmatlieu, qui a fêté ses 6 ans là il y a qui fêtait ses 6 ans le week-end d'après où on y était, là, il y a un mois maintenant. Et en fait, Cadmatlieu, c'est une ancienne usine de textile qui appartenait à une grande de propriété, enfin une grande famille ou de riches, on va dire ça comme ça, à Barcelone, et qui était à l'époque pendant la guerre civile, qui était proche de Franco et qui a développé ses activités et qui s'est enrichi de sites. Et à un moment donné, donc ils ont voulu, en fait c'est une ancienne usine de textile, mais vous avez beaucoup de bâtiments qui étaient vides. Et il y avait un projet de faire un complexe immobilier avec 1200 appartements de luxe et de faire venir le mobile de Barcelone à ce lieu-là. Et en fait, les gens du quartier en fait ont refusé ce projet. Ils ont mis la pression à la mairie. Et ils ont fait une action en fait avec un espèce de compte à rebours. Ils ont voilà, en gros, vous avez jusqu'à telle date, et si à cette date-là en fait vous nous proposez rien, nous on va prendre le lieu et on va le squatter, on va en faire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que du coup le projet s'est jamais monté. Il y a eu la crise en Espagne, et du coup ils ont investi le lieu. Et ce qui est très intéressant dans ce lieu-là, en fait, c'est que, en fait, tout est gratuit. Il y a uniquement le bar où ils vendent de la bière artisanale et la pisse locale dégueulasse là, la estrade de pub. Ils la vendent à 1 ou 2 euros. Et le reste, en fait, ils fonctionnent que sur ça. Ce qu'ils nous ont dit, ils arrivent à faire à peu près 18 000 euros par an. Et quand ils font des soirées, ce qui est quasiment tous les samedis soirs, en fait 10% aux artistes et 30% pour le lieu. Ce lieu-là, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus du bar, en fait, il y a différentes pratiques artistiques et culturelles qui sont réalisées. Il y a une école de cirque, il y a un théâtre, il y a des terrains de sport, il y a un Fab Lab où vous pouvez faire tout type de métiers, que ce soit électrique, du bois, enfin voilà. Il y a une bibliothèque libre, il y a un potager. Les gens du quartier ont fait un parc à chiens, c'est assez rigolo. Surtout, ils proposent des salles gratuites. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que bah, si vous faites partie d'un collectif, si vous avez besoin de rassembler des gens, bah, ce lieu-là en fait est ouvert. Et clairement avec le 15e, où il y a beaucoup de gens donc issus du 15e qui sont allés dans ce lieu-là pour préparer les actions pour faire des AG. Et ça continue aujourd'hui de vivre. Eux, ils fonctionnent avec alors ils ont une AG et ils ont un secrétariat. Dans cet AG, en fait, les gens n'ont pas d'étiquette. Donc, c'est-à-dire que si tu fais partie d'un parti politique, notamment, tu peux venir en tant que personne, mais tu peux pas venir en tant que parti politique. L'horizontalité, ce que moi j'appellerais cadré. D'ailleurs, les partis politiques ne sont pas bienvenus, notamment lors de périodes électorales. Et il y a un système, effectivement, où ils nous disent expliquer qu'il y avait je sais plus, un truc pas quoi, qui avait demandé à venir, et ils lui ont dit gentiment qu'ils ont été, voilà, qu'ils étaient fous pendant des mois et que c'était pas possible pour eux de venir. Donc c'est, voilà, c'est très très intéressant. Et eux, c'est pareil, ils se définissent comme libertaires, sans étiquette, autonomes, mais tout le monde peut venir, peu importe ce qu'on faisait avant, où on militait avant, si on militait ou pas d'ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Voilà, donc ça c'était Camp Battle. On a également été, donc parce qu'on est parti 4 jours à Barcelone, on a été à Cadmas de Hoo. Cadmas de Hoo, c'est dans l'une des collines qui est en ville renommée de Barcelone. Et en fait, c'est un ancien hôpital, et c'est un ancien hôpital de... Et en fait, c'est un lieu, pareil, qui est toujours connecté avec le quartier qui est juste en dessous. Et c'est un lieu qui a une grande histoire, en fait. Et pour la petite anecdote, il y a des gens qui sont enchaînés aux fenêtres pour défendre ce lieu, puisque... ils étaient menacés d'expulsion. Et en fait, donc à Canmatlieu, en fait, ils ont créé une communauté. En fait, c'est vous avez un petit chemin dans la colline, ça fait très randonnée. C'est un peu ouais, allez, 5 même pas 10 minutes. Et en fait, vous tombez sur un lieu avec plein de jardins, un truc à peu près improbable. Et du coup, effectivement, là-bas, ils sont à peu près une trentaine à vivre sur place. Vous êtes sur place, vous payez un loyer d'une somme modique de 60 euros pour les, entre guillemets, les charges communes, et il y a un espèce de petite camionnette partagée pour ceux qui veulent faire des allers-retours entre le lieu et Boulogne qui est juste en bas. C'est pas forcément beaucoup d'entre eux en fait travaillent, ont un travail dans Barcelone. Et c'est pas forcément les gens qui font fonctionner le lieu qui habitent. Et en fait, là-bas, c'est un petit peu un lieu en fait de mise au vert où vous avez des collectifs qui viennent pour monter des projets. Ils peuvent rester 2-3 jours là-bas. Et donc, du coup, ça leur est bien utile. Puisqu'en fait, ils sont tranquilles, il n'y a personne pour les embêter. Régulièrement, là, quand on les a rencontrés, ils font des visites guidées tous les dimanches. Donc vous, quand vous arrivez en fait vers midi, midi et demi, vous avez un repas partagé qui vous est proposé, c'est un moins de 10 euros, et vous avez une visite qui est faite, et ce qu'ils font là-bas, et après donc vous mangez à 15h, et il y a un programme qui est fait tous les dimanches. Et un week-end sur deux, en fait, c'est des collectifs qui gèrent ce programme-là. Nous, quand on est allé là-bas, en fait, c'était une école autogérée qui a fait le programme, donc pour enfants notamment, et il y avait un clown, enfin voilà, c'était assez chouette. Il y avait un spectacle d'ombre avec des marionnettes, et on avait un copain qu'on connaît bien ici, qui est Jean de Chanson Debout, qui faisait un spectacle pour les enfants. Donc ce lieu-là, voilà, c'est encore un exemple de lieu où finalement c'est des citoyens sans étiquette, pareil, qui font vivre un lieu et qui en font profiter les gens du quartier ou tous ceux qui veulent venir, qui ont souvent en fait ont les bras grands ouverts et vous accueillent avec un sourire. Et il y a pareil, il y a un bar, il y a une cantine, il y a une bibliothèque libertaire. Là-bas, vous trouvez des informations sur Notre-Dame-des-Landes et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui des zones à défendre. Et c'est assez rigolo parce que c'est un truc très français, mais en fait, il y en a un petit peu partout à Barcelone et en Espagne. Et en fait, tous ces lieux-là, la conne, elle s'est faite juste avant et à l'organisation du 15e. Donc le 15e, je rappelle, c'est le mouvement des places qu'il y a eu en Espagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, comme j'expliquais, il y a eu la crise financière, et il y a des gens qui se sont dit on n'en peut plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se sont dit pour qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'organise, mais il faut qu'on s'organise autour de quelque chose. Du coup, ils ont fait à plusieurs, avec des psychologues notamment, une espèce de cartographie de l'Espagne. Et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui touchait le plus les gens, qu'est-ce qui les indignait du coup, c'est un peu cliché, mais c'est... Et ils ont envoyé un mail un mail à beaucoup de collectifs, d'associations, dont certaines, je vous les ai citées précédemment. Et c'est un mail très général, et en gros qui disait ah, on a telle situation dans le pays, on n'en peut plus, vous êtes sûrement comme nous à ne plus en pouvoir, donc rencontre-nous. Et donc il y a eu plusieurs réunions en Espagne, en fait de gens qui ne s'étaient jamais rencontrés, ça a été dans des villes, parfois dans des... et qui avaient des, voilà, qui défendaient des, quand même des valeurs communes et cette indignation. Et en fait ils se sont tous rencontrés. Ils ont créé une plateforme informatique qui a permis de relier toutes ces villes, tous ces collectifs. Ils ont utilisé les réseaux sociaux d'une façon intelligente et du coup permis, quand ils sont arrivés sur les places publiques, en fait, d'être organisés, de se connaître. Et finalement, alors ça c'est une vision très personnelle de la chose, mais les places publiques n'ont fait que, entre guillemets, rencontrer des gens. Et les gens à des idées et à des collectifs qui étaient soit déjà créés ou soit des collectifs qu'on allait créer. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que du coup les gens sont allés sur des places, ils ont rencontré d'autres personnes et en fait ils sont allés à l'essentiel, c'est d'aider les gens. Ils les ont écoutés, ils ont écouté les gens, ils ne les ont pas seulement écoutés, c'est-à-dire qu'ils les ont aidés. Et ça, ça s'est fait au niveau local. Et une fois que, on va dire, l'Assemblée populaire sur les places en Espagne ont décidé démocratiquement en fait de quitter les places, aucune raison d'être. Ils ont travaillé pendant 5 ans. Ils ont travaillé pendant 5 ans à développer leurs actions sur le terrain, à ouvrir des lieux, comme je vous l'ai dit. Et la particularité, c'est qu'il y a eu plusieurs mouvements avec sur la santé, sur l'énergie, les mouvements blancs, verts, etc., bleus. C'est des choses qui sont très bien expliquées il y a un journaliste de Mediapart d'origine belge, je sais pas pourquoi, enfin bref, c'est comme ça, qui a écrit un bouquin et c'est très intéressant. C'est beaucoup mieux expliqué que ce que je suis en train de le faire. Et ce qui fait que pendant 5 ans, finalement, ils se sont dit, c'est tous ces gens-là qu'ils essaieraient de changer le système, mais en partant de la base et en partant du local. C'est là qu'est né le mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement municipaliste en Espagne, et ce qui a permis aujourd'hui en fait d'avoir à Madrid, d'avoir à Barcelone, d'avoir dans deux villes importantes au Pays Basque des villes par des gens qui sont issus de ces mouvements de place. Et je dirais qu'il y a 3 critères pour moi fondamentaux dans ce qu'on a vu. C'est que le premier critère, c'est pas d'étiquette, les étiquettes de côté. Et ça, c'est très très important et fondamental. C'est mettre les égos de côté. Et mettre les égos de côté, ça c'est très compliqué. Mais du coup, c'est de pratiquer de l'horizontalité qui est quelque part. On l'a vu notamment à Cadmas de U, notamment sur les assemblées. En fait, il y a toujours les points à l'ordre du jour qui sont envoyés par mail. Les gens peuvent éventuellement donner leurs avis, savoir s'ils sont OK pour traiter les points ou pas. Et quand il y a un sujet, au lieu de tourner en rond pendant 3 heures, très rapidement, les modérateurs, puisqu'il y a aussi des modérateurs là-bas, extraient le sujet, disent « on a compris que ça faisait polémique, on le proposera à l'ordre du jour d'une prochaine réunion et décident démocratiquement s'ils souhaitent ou pas débattre de ce projet. » Et ça, ils le font par Internet. Puisque en fait toutes les personnes qui assistent aux assemblées en fait donnent leur mail et peuvent il y a un contact qui se fait, permet d'éviter tous les débordements qu'on peut connaître dans ce genre de situation. Et c'est ce que j'appelle une forme d'horizontalité cadrée. Pour revenir à mes 3 fondamentaux, donc pas d'étiquette, mettre les égos de côté, c'est la confiance. Et ça c'est très important aussi. Parce que finalement, se faire confiance, c'est pas évident. On le voit, c'est pas évident parce que on est tous un peu dans un cadre et on a tous malheureusement une étiquette et un ego. Confiance, quand on en parle de confiance là-bas, c'est-à-dire que tu fais t'es bon sur la communication, c'est ton truc. OK, tu fais la communication. Tu nous dis de temps en temps ce que vous comptez faire. Mais par contre, on te fait confiance, tu le fais, Et on va pas venir mettre notre grain de sel et dire ah ouais non mais ce que tu fais c'est pas bien machin, non faut faire comme ça, etc. etc. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que quand ils ont créé ce réseau-là, sur des bases qui sont saines. Alors oui, il y a toujours des égos, il y a toujours des personnalités qui sortent, mais finalement le nombre fait qu'elles sont un petit peu noyées dans la foule, et les actions et les démarches qu'ils font finalement qu'au lieu de retenir les petits égos de chacun, en fait ce qu'on retient bah, c'est ce qu'ils font concrètement sur le terrain, c'est-à-dire aider des gens qui sont soit à la rue ou soit dans des situations accablantes et catastrophiques. Et ça c'est en fait quelque chose qu'ils ont réussi à faire parce qu'il y a eu la crise immobilière, certes, parce qu'aujourd'hui en face il n'y a pas comme on peut l'avoir dans certains pays des milliardaires ou des sociétés qui veulent monter des projets et du coup, par exemple, pour des lieux qui sont vides, prendre des musées ou des choses comme ça, ça en Espagne aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, ça permet également l'essor de tous ces collectifs. Et la force aussi qui fait, quand je parle de confiance, c'est qu'en fait, ils sont tous connectés entre eux. Ils sont toujours connectés. Personne qui peut bosser dans différents collectifs et qui fait les liens. Et ce qui est très important quand je parle de confiance, c'est que quand ils font une action, et c'est pas un événement Facebook avec l'horaire et dire où on est, c'est un message à un réseau simple, c'est il y a une action, telle heure, vous venez, et comme les gens se font confiance, les gens viennent en nombre. Et ça c'est un truc aussi qu'ils ont réussi à faire et qui est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête des heures et des heures. Telle personne qui dit on fait ça ou tel collectif, on connaît ce collectif, on leur fait confiance, donc on vient, on aide et on est dans l'action. Ça aussi c'est très important, c'est que finalement dans tous les endroits où on est allé, les gens sont dans l'action. C'est-à-dire que certes c'est entre guillemets quelque chose qui nous a marqué, c'est quand on a demandé à des gens si c'était des autonomes, ils nous ont dit non, on n'est pas des autonomes, on est dans l'action. Ok, donc là on a pris une petite claque et on s'est dit et on comprend mieux certaines choses. Donc voilà en tout cas par rapport à ce que je voulais dire par rapport à l'Espagne et ce qui se passe à Barcelone. Concrètement, le week-end d'après ou après où on est parti, il y avait le premier mouvement municipaliste. Le premier, je vais appeler ça festival de mouvement municipaliste. C'est quelque chose aujourd'hui qu'ils veulent développer. Ils sont un petit peu seuls pour l'instant, puisque en Grèce c'est très compliqué là-bas et les dernières nouvelles de Grèce sont pas vraiment rassurantes. C'est quelque chose que je sais qu'ils souhaitent développer un petit peu partout. Et finalement, on voit qu'en tout cas qu'on peut faire avec énormément de volonté. Et en reprenant les trois critères que j'ai dit, encore une fois, la confiance et mettre son ego de côté. Et il y a un truc qui est flagrant quand on est parti à Barcelone, et vous le constaterez, si vous m'avez bien écouté, c'est que je n'ai pas parlé de parti politique, je n'ai pas parlé de syndicat. Et malgré ça, il se passe énormément de choses. Voilà. Donc je vais conclure, parce que je pense que j'ai fait plus de 20 minutes. J'en ai fait 20 minutes de plus. J'en profite d'être sur cette place. C'est assez ironique pour remercier deux personnes sans qui tous ces gens-là, Lesma et Jean. Et je trouve ça très pour le symbolique de les remercier sur cette place de la République pour tout ce qu'ils ont fait et le travail de l'ombre et tout ce qu'ils se sont pris dans la gueule. Voilà, de le faire ici. Donc, en tout cas, les liens sont toujours là. Et voilà, je voulais leur faire ce petit clin d'œil. Et maintenant, je vais laisser passer au débat. Merci de m'avoir écouté. Très bien. Donc, vous êtes ici à Debout Éducation Populaire. Je vais rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, est venu nous faire une intervention et nous faire partager son voyage à Barcelone au sein donc de En Marche vers le Sud, du coup, voilà, anciennement Fillon vers le Sud. Donc, rencontre avec collectif, des gens, des actions et aussi questions, débat. Si quelqu'un a une ou plusieurs questions, n'hésitez pas à me le dire, à prendre le micro et à poser votre question. Alors surtout pas tous en même temps, ce serait dommage, on n'a qu'un seul micro. Tu as beaucoup insisté en fait sur la confiance que les gens se faisaient là-bas entre différents collectifs, entre eux-mêmes. Ça veut dire, dans ce que je comprends, ça veut aussi dire que quand ils participent à quelque chose, ils renoncent à compter auquel ils participent. Ils font confiance à la personne qui le fait, c'est très bien, je donne un coup de main, mais je n'y apporte pas un contrôle parce qu'il n'y a pas besoin. C'est un problème qu'on rencontre souvent en France, c'est que quand on veut faire quelque chose, il faut absolument contrôler ce qui se passe. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est ce que ça donne. Effectivement, le contrôle, c'est un mot que j'ai pas du tout entendu à Barcelone. Je pense qu'ils ont été tellement contrôlés justement que finalement il y a eu un espèce de gros ras-le-bol. Donc effectivement, oui, quand il y a une action, mais il n'y a pas cette notion de contrôle. Mais surtout, ce qui aide beaucoup, c'est qu'ils ont des actions qui marchent et qui fonctionnent. Et donc, alors, je sais pas, je te dis pas que sûrement, par exemple, pour l'APA, la première action qu'ils ont fait, à mon avis, question, ils se sont dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, ça c'est clair. Mais quand tu le fais une fois, que ça fonctionne, que ça a des incidences, que ça aide les gens, bah du coup, forcément, ça donne envie. Et les gens sont les premiers, entre guillemets, prescripteurs de ça. Et c'est ça qui est important. Il y a quelque chose que j'ai pas dit dans mon intervention, mais ils se sont battus contre la corruption en Espagne et ils ont réussi à faire en sorte que des gens corrompus se fassent arrêter. Et voilà, c'est des tas de petits exemples que du coup ça marche. Et forcément, quand ça marche, c'est plus facile de faire confiance. Libérez les Oui, je trouve qu'une des questions qui se pose à Nuit Debout et qu'on n'a toujours pas résolu, c'est le rapport au concret dans ce qui est proposé. Là, tu parles des aides réelles que les gens s'apportent les uns aux autres. Il me semble qu'on n'en est pas encore là, quoi, à Nuit Debout. Il n'y avait pas de question. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une question sur du coup sur ce qui se passe à Barcelone, sur le voyage qu'a fait Sylvain, peut-être sur... Non. Moi, du coup, j'aurais quand même une question parce que si j'ai bien suivi ce que tu as dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mouvements au niveau citoyen. Du coup, là-bas, donc pas forcément dans le cadre d'une association, on va dire, actée. Et c'est, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont du coup plus mobiles que chez nous, au niveau citoyen, hein, toujours au niveau personne par personne. Effectivement, ils sont, oui, mobiles, ça, oui, je te confirme qu'ils sont très mobiles. En fait, ils ont... Ils ont effectivement cette capacité, et ça, je pense qu'il y a c'est la façon dont ils le font, mais du coup, c'est le local qui permet ça. C'est notamment à Barcelone, c'est souvent quartier par quartier. Nous, on l'a vu sur Camp Batlló, par exemple, quand je disais tout à l'heure de langue, c'est les gens du quartier qui ont fait ce parc pour chiens, en fait. Le fait de faire ça, ça pourrait prêter à. Et faire sourire, mais en fait c'est très important parce que finalement ce parc pour chiens, c'est quelque chose du quartier, c'est les gens y vont, et donc s'ils vont là, à cet endroit-là, ils vont rencontrer d'autres personnes et finalement après ça fait un espèce de gros cercle, et ça fait que finalement tu restes plus entre guillemets devant ta télé chez toi, et finalement tu as trouvé un autre chose. Et effectivement, alors il y a des associations, il en existe. Mais si tu veux, je voulais pas trop faire de comparaison avec la France parce que c'est très différent. Mais finalement, ils ont pas besoin de ça, en fait. Ils font un peu comme une association, mais finalement il n'y a pas le nom derrière et il n'y a pas le statut derrière, et ça leur empêche pas de faire, en fait. Et en plus, j'ai l'impression que ça les protège. et cette ouverture, parce que finalement une association, bah, c'est un cadre et ça peut être aussi une étiquette. Et donc des fois ça peut être une contrainte. Donc ils ont enlevé ces freins là en fait, mais tout naturellement. Donc je sais pas trop si je réponds à ta question. Du coup si, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ou poser une autre question? Oui, bien sûr. Alors, écoute, parce que je suis dans ta situation. Donc, j'ai écrit une lettre, j'ai une syndic brigand qui a voulu mettre le feu pour toucher la prime, j'ai sauvé l'immeuble, après, maintenant, il a fait des fausses factures pour 100 000 euros, 15 mètres carrés. Le 5e arrondissement est vide, le 6e est vide, la ville est vide, les habitants ne peuvent plus vivre à Paris, sauf dans le 18e, 19e, 20e, et donc, il y a un grand problème, et ceux qui se prétendent qu'ils défendent ceux qui n'ont pas d'habitat reçoivent des subventions et ils ne foutent rien. Dans ces conditions, nous avons un espace de travail monstre. Et en plus, j'ai maintenant une inondation. Ça coule chez moi directement et il y a danger pour mes appareils. Pourquoi? Mais est-ce que quelqu'un a tué jusque-là Maria Coleva? Non, ils ne vivront pas. Allez, je vous passe le micro pour faire vraiment de la résistance, de la vraie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Barcelone, ils sont en train de faire le recensement des logements vides, mais on nous l'a dit là-bas, c'est très très lent. Et donc là-dessus, ils sont très critiques avec la mairie, même si c'est une mairie qui est issue du mouvement des lobbyistes. Ils sont très critiques parce que ça va très très lentement et ça va pas assez vite à leur goût. Mais ils font ce recensement et il y a quelques logements là qui ont été distribués il y a pas longtemps. Mais l'une des problématiques, c'est la responsable du logement est à l'opposition. Et donc, c'est parfois très compliqué. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez venir. Nous avons des causes à défendre. N'ayez pas peur, tout est rangé. Maintenant, il faut avancer, c'est tout. Bon, alors on vous attend, vous avez des choses à faire, chacun sait ce qu'il a à faire, vous savez qu'il y a des leaders, qu'il y a des groupes, qu'il y a des participants, vous savez également que tout était organisé suivant vos besoins, etc., etc. Autrement, vous pouvez venir témoigner si vous avez des choses à dire, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, et les choses doivent être réglées dès ce soir, dès Autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que la situation était très très dramatique et qu'il fallait réagir au plus vite. Donc nous réagissons toujours au plus vite quand il le faut. Pour les autres, vous pouvez vous détendre, participer et vous battre. Voilà. J'attends tout le monde pour leur témoignage. Soyez les bienvenus, soyez courageuses, courageux et tout se passera bien. Nous avons pratiquement tout le monde avec nous et je dirais, les choses s'arrangent, n'ayez peur de rien. Si vous avez des choses à signaler, faites-le. Vous savez comment, vous savez. Et on vous demande, on vous le dira. Et continuez la soirée, votre combat jusqu'au bout. Ensuite, je vous attends. Le reste, ça va se faire tout seul. Ayez confiance et je vous attends toujours. Les autres vont déjà démarrer ailleurs. Laissez-les faire. Programme. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous remercier. Je voulais vous dire, on observe. Bah, on est encore un peu observé, mais c'est pas grave, ça va pas durer. Ils ont des choses à faire. Autrement, c'est connard. Et c'est raciste. Et donc voilà, vous connaissez le programme, vous savez ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails maintenant. On va les laisser faire. Et puis nous, on va faire notre programme comme d'habitude. D'accord? Ils vont bientôt dégager de là. Hein. De toute façon, ils ont leur propre combat à mener. Donc, on les laisse faire. Et nous avons le nôtre, bien sûr. Ne l'oubliez pas. Qui veut témoigner? Je vous attends. N'ayez pas peur. Public dans le 10e. Les bus 56-62-01. Autrement, vous pouvez demander. Il y a aussi le métro. N'allez pas ni la gare de l'Est, ni la gare de Nord pour l'instant. Évitez. Prenez les moyens les plus rapides, vous connaissez, suivant les bourses, et venez, on vous attend nombreux, il y en a pour la nuit, pour le week-end, et prévu. Ceux qui devront travailler, iront travailler, et puis les autres, on verra, partiront en vacances, on verra. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc je rappelle le thème du jour. Donc Sylvien vient nous présenter le voyage qu'il a fait à Barcelone en marche vers le sud, où ils ont rencontré donc différents collectifs et personnes qui se bougent, hein, finalement pour leur communauté, on va dire. Et du coup, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir ou poser une question à Sylvain? Vu, entendu, fait. Ah, Adèle. J'élabore un plan de sauvetage. Alors, il y avait deux choses. La première, parce que t'en as pas forcément parlé, t'en as parlé dans le sens où, du coup, ils ont développé des outils de communication, mais quel est le rapport de tous ces collectifs-là aux médias mainstream, j'ai envie de dire. Est-ce que, du coup, il y a vraiment deux réseaux parallèles, ils communiquent les uns envers les autres, contre les autres, enfin, voilà, comment ça fonctionne? Et puis aussi, comme la plupart des choses sont gratuites, etc., quels sont les modes de financement? Donc c'est pas mal autogéré, mais est-ce qu'il y a un rapport salarial, associatif ou autre chose là-dedans? Alors, la première question par rapport aux médias. Donc du coup, en fait, en Espagne, les médias sont clairement contre. Et ce qu'ils ont réussi à faire avec le 15e, c'est qu'ils ont réussi à rassembler tous les médias dits alternatifs ensemble, et justement pour contrer cette propagande médiatique qui est assez forte. Donc ça, c'est... Du coup... C'est moi de vous dire qu'on parle de tous les sujets nous concernant, partout, un peu partout. Merci. Ouais, merci à toi. Du coup, je pense que ça répond à la question. Ils ont créé, il y a plein de médias entre guillemets alternatifs qui ont été créés suite au 15e. Et en fait, ils ont un rapport. Ceux qui sont sur le terrain, finalement, bon, ils s'en moquent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en moquent un peu. C'est plus les gens qui sont maintenant dans les mairies, où les médias deviennent problématiques parce qu'ils passent souvent leur temps en fait à démonter et à rétablir certaines vérités ou des rumeurs qui sont dites dans les médias traditionnels. Et les médias traditionnels sont très manipulables. Et ce qu'on a pu entendre, c'est que malheureusement certains, en tout cas ceux qui sont dans des fonctions dans les mairies, parfois s'épuisent à rétablir entre guillemets certaines vérités. Donc voilà, ça c'est pour le côté média. Le côté finance, en fait, ça dépend des collectifs où on est allé. Ça marche forcément sur la solidarité. Canbadio marche uniquement avec le bar. À Eurosocial, en fait, ce qui permet de payer les gens qui bossent vraiment au quotidien, c'est les intérêts des prêts qui fournissent aux gens, qui sont très très bas, mais il y a quand même des intérêts. Donc c'est les seuls sources de revenus. Dans tous les cas, ils renoncent au financement public. En fait, ils veulent garder leur indépendance et leur autonomie, et ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que ce qui est assez... l'effet qu'on a actuellement, et je parlais de l'économie sociale et solidaire, finalement, l'économie sociale et solidaire est, elle, entièrement financée par ces aides de l'État. Et c'est pour ça que je disais, c'est le côté, c'est la version light, en fait, des collectifs qu'on a vus. Et donc eux, ils veulent garder cette indépendance. Donc après, MSDU, en fait, ils bossent ailleurs. Donc en fait, ils ont leur salaire. Mais voilà, mais la plupart du temps, c'est de la solidarité. Ils ont un mode de vie complètement différent. En fait, ils n'ont pas forcément avoir besoin des milliers de cents. Pour pouvoir vivre au quotidien. En fait, les basiques, ils l'ont assez rapidement. Donc voilà, je sais pas, je voulais dire quelque chose, mais du coup, oui, il y a aussi quelque chose qui est très important, et que j'ai pas expliqué aussi, c'est qu'en fait, ils ne payent quasiment aucun loyer dans tous les endroits où on est allé. Donc ça aussi, quand tu parlais du terme économique, forcément, comme il y a personne pour reprendre ces lieux, ils ont un espoir, bah écoutez, nous on vient dans votre immeuble, on s'en occupe, on en prend soin, mais du coup, bah forcément, on va pas vous payer un loyer. Et la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont, ils ont la mairie aussi qui est plutôt conciliante, et notamment la mairie qui possède les murs. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent dans l'endroit, et ils payent quasiment aucune charge. Et ça, c'est en fait, c'est des espèces de deals qu'ils ont soit avec les intermédiaires des banques, soit avec les banques en elles-mêmes. Et ça, c'est suite à la crise économique en Espagne, et comme je disais tout à l'heure, un Bouygues ou un milliardaire français ou espagnol pour le coup qui veut monter un musée ou un truc comme ça. Donc c'est un petit peu le deal actuel, c'est des bails en fait qui sont faits. Et ça aussi c'est forcément quand on a un lieu et qu'on paye rien pour l'avoir, c'est de faire des choses gratuites partout. Et puis après il y a une volonté et des idées libérales et voilà, et ça entre guillemets ça n'a pas de prix. Merci. Du coup, on continue toujours. Oui, j'ai... Par rapport avec les médias mainstream, tu as expliqué qu'ils avaient créé des médias alternatifs. Et la question que je voudrais te poser, c'est... Vous avez un combat à mener à l'étranger. Dégagez d'ici. C'est là-bas que ça se passe. Non. Allez-vous, les Arabes, c'est là-bas. S'il vous plaît, on évite ce genre de propos ici. Non. Oui, donc. La question que je vais te poser, c'est la suivante. Parce que les mouvements des places en Espagne, pour certains, ils ont beaucoup mieux réussi qu'en France. Ils ont produit des partis, ils ont pris la mairie de Barcelone. Et là, j'apprends qu'ils ont créé des médias alternatifs. Donc la question que je voulais te poser, c'est d'une part... comment est-ce que... Ouais, donc comment est-ce que ces médias alternatifs, est-ce qu'ils fonctionnent bien, quoi, en fait? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et une remarque par rapport aux médias, justement, puisque tu as dit que les médias là-bas, ils avaient été aussi hostiles au mouvement des places qu'en France. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que, finalement, les partis d'opposition, qui parlent toujours de l'oligarchie, ouais, qui montent toujours du droit à l'oligarchie, etc., mais... Pourquoi est-ce qu'ils boycottent pas les médias oligarchiques? Imaginons que demain, par exemple, tous les partis qui combattent l'oligarchie refusent systématiquement d'intervenir sur les médias oligarchiques. Mais du jour au lendemain, ces médias s'effondrent, puisqu'ils perdraient toute légitimité comme instrument de médiation de la pluralité des opinions. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement la meilleure stratégie, ce serait pas pour les mouvements des places ou pour les partis qui contestent l'oligarchie, qui boycottent tout simplement les médias oligarchiques et qui ne s'expriment que dans les médias ou dans les médias alternatifs ou véritablement indépendants. Pour moi, ce serait une stratégie de communication politique qui serait redoutable et d'une simplicité, totale, quoi. Très bonne question. Comment je vais m'en sortir? C'est pas vraiment des partis, hein, je précise. Tu remarqueras que je n'ai... Ouais. Si t'as envie de parler, tu parles derrière. Bon, c'est bon. Du coup, par rapport aux médias, moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux... Et toi, tu dis ouais, on ne fait pas intervenir sur ces médias-là, etc., etc. Je l'entends, mais justement, même si tu n'interviens pas, je vais y arriver dans ces médias-là, ils vont créer de l'information quand même. Et donc, ils achètent, si par exemple les journaux, qui écoutent la radio, qui regardent la télé, et et qui, bah voilà, qui sont c'est un espèce de rouleau compresseur. Et même si aujourd'hui, en fait, je pense qu'effectivement, quelque part, tu boycottes et tu leur parles pas. Mais forcément, comme eux, ils vont donner de l'information et de la mauvaise information, bah, t'es obligé de démentir. Et tu peux passer ton temps nombreux à démentir les choses qui sortent. Ou soit tu peux effectivement aller dans ces médias et prendre ce, entre guillemets, ce canal de communication. C'est un petit peu les deux choix que t'as. Aujourd'hui, je pense que forcément, ils ont plus fait le choix de développer ces médias alternatifs. Mais tu es par rapport à leur poids, faire avec ce qu'il y a à côté. Et tu peux pas, même si tu les boycottes, tu peux pas faire sans, quoi. Parce que eux, ils ont une force que malheureusement n'a pas encore les médias alternatifs en Espagne. Mais là, c'est, je te dis ça d'une façon plus généraliste. Je sais plus, je crois que c'était à... Il me semble que c'était à Madrid où ils ont fait carrément un site internet où ils reprenaient tous les articles de presse et ils les démontaient les uns après les autres. Mais ça n'a jamais vraiment marché parce que finalement les gens allaient très très peu dessus et finalement l'impact que ça aurait dû avoir. Mais voilà. Après, n'hésitez pas, hein, j'ai pas. Puis je vois qu'il y a des gens qui étaient avec moi au voyage de parler. Allô. En fait, vous me connaissez tous, donc je vous prie de venir. Et vous connaissez le programme, donc il n'y a pas de souci. Vous connaissez l'histoire aussi. Donc on continue le combat. Merci beaucoup. En fait, je te proposais une expérience de pensée. Imagine demain que, je prends un exemple très concret, hein. Imagine que Besancenot, Mélenchon, Marine Le Pen, tous les partis d'opposition réels, ils disent aujourd'hui on va plus sur BFM, on va terminer. Mais de fait, ces deux médias, ils sortent immédiatement du jeu. Enfin voilà, c'était juste que c'est une expérience de pensée. Hein. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Vas-y. Ouais, le truc c'est qu'en Espagne, on n'est pas dans le schéma Besancenot, machin. On est dans un schéma collectif, citoyen et personne. Et c'est là où est la différence. Et il n'y a pas cette... certes, il y a des gens qui sortent un petit peu du lot, comme la maire de Barcelone ou celle de Madrid, mais finalement, c'est des choses qui sont... c'est du collectif, en fait. Donc c'est un rapport qui est complètement différent. Mais et après, bon, ça c'est un avis perso, mais je suis pas sûr que je pense comment vivrai quand même, même si ces gens-là n'iront pas dessus. Mais voilà. Très bien, du coup, ça répond à ta question. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Franck, allez, un petit mot, Franck. En fait, le truc à Barcelone, c'est que déjà pour construire le mouvement 15M en Espagne, ils s'y sont pris vachement à l'avance. Ça a été un truc énorme. Hein. C'est expliqué déjà ? Mais non, mais c'est... Et justement, j'essaye de rebondir. Et quelque part, ils ont pris des gens qui étaient des communicants et aussi des... Non, pas communistes. Si tu veux. Non, en fait... Mais je suis pas anticommuniste, hein. J'ai juste envie de partager des choses avec des gens qui sont là autour, là, qui sont en train de faire du skate ou du vélo ou boire des coups dans les bars. Et en fait, il faut trouver juste le message qui fait du bien pour pas qu'on se retrouve à 100 chaque fois dans les manifs. Il faut... Je ne mets pas de limite. Justement, je veux m'ouvrir. Ah ben, tu n'es pas d'accord, donc tu fermes déjà les portes. Bon, ben, c'est pas très... Je dégage, je m'en vais. On clôture là-dessus ? Non, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir s'écouter et surtout pas s'énerver. Hein ? Voilà, quoi. Bon. Ça partait bien, cette intervention. Du coup, bah voilà, en fait, vous avez le contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, on va passer à la prochaine intervention. Très honnêtement, je suis un petit peu déboussolé. Mais bon, bref, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je vais rester dans le coin sur des choses concrètes. Et j'aimerais qu'on évite à Debout Éducation Populaire de se couper la parole, de se hurler dessus et qu'on puisse s'écouter. Et c'est le plus important. Oui, et ben moi j'aime pas les gens qui coupent la parole comme ça. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, ben, franchement, si vous avez l'occasion, allez à Barcelone et allez voir ces gens-là. Et je pense que y a tout un tas de choses à apprendre. Et en tout cas, je vous y invite vivement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.